On va se faire une petite balade maintenant. Une chanson toute gentillette qui rappelle d'ailleurs un peu les années 60.